Chapitre 9e. Si quelques mois avant cette publication des Girondins qui prit au milieu de nous les proportions d'un événement national, on s'était posé cette question « Quelles seront les qualités et les défauts de Lamartine historien ?» il nous semble qu'il n'eût pas été difficile d'y répondre avec une justesse prophétique. D'après toutes les œuvres de ce poète, qui tout à coup et sans préparation abordait le récit d'une des périodes les plus difficiles de notre histoire, on pouvait craindre avec quelque raison que l'imagination ne dominât chez lui ce bon sens équitable, cette érudition froide, cette indignation tranquille, toutes ces qualités nécessaires à l'historien. Comment ce rêveur platonique, cet ami des clairs de lune et des lacs limpides, cet habitant des sommets, consentirait-il à descendre de ces belles hauteurs jusque dans les villes bruyantes et ensanglantées par les guerres civiles? Habitué à converser avec la nature, avec la mer et avec le ciel bleu, saurait-il bien remonter aux sources des événements les plus compliqués, d'une époque à la fois corrompue et barbare? Lui qui possédait si bien la synthèse du monde naturel, pourrait-il descendre assez profondément dans le détail, dans l'analyse du monde politique? L'enthousiasme, dans cette âme ardente, allait-il faire soudain la place libre à la critique? Rien n'était moins probable. Les Girondins parurent. Je ne pense pas que jamais livre ait été salué avec plus d'acclamation. Ce fut dans toute la France un long cri de surprise. Quelques années auparavant, Lamartine avait tourné le dos au gouvernant d'alors et l'avait fait d'une façon aussi grandiose que soudaine. On se rappelle l'admirable discours dans lequel il expliqua les motifs de ce changement de front. Il commença cette harangue d'un ton modeste, pour ainsi dire en ami de la dynastie et même du ministère. Il la termina d'un ton presque terrible, en ennemi fougueux, en adversaire irréconciliable. On ne s'était pas attendu à cette conversion quelque peu rapide, et chaque phrase, chaque mot de ce discours étonnant avait une portée formidable. L'auditoire était haletant et suivait l'orateur d'un regard ému durant ce long trajet qui le conduisit à la gauche. Ce jour-là, le grand poète s'était fait grand orateur et avait réveillé tout son pays qui dormait. Eh bien, les Girondins produisirent un effet plus profond, plus vif, plus universel encore. Personne n'avait jamais compris l'histoire et ne l'avait jamais écrite de la sorte. Imaginez toute une suite de tableaux passionnés, de dialogues ardents, de drames rapides. Imaginez un style ample, poétique, coloré. Imaginez surtout un historien qui se met dans la place vivante de chacun de ces personnages, qui accepte pour un moment leur point de vue, leurs passions, leurs intérêts, leur vie, et qui les fait penser, parler, agir, comme si c'était lui qui pensait, agissait et parlait. Et n'oubliez pas que le sujet du livre n'est rien moins que l'histoire de la Révolution française. Vous savez qu'au théâtre, chacun des acteurs doit s'identifier avec son personnage et se pénétrer de la vie de son rôle. Monsieur de Lamartine, dans ses Girondins, a réalisé ce terrible programme en s'identifiant tour à tour avec tous les personnages de ce grand drame de la Révolution. Oui, il a été successivement tigre avec Robespierre, hyène avec Marat, agneau avec Louis XVI. Il a été fier, incertain, impolitique et imprévoyant avec les Girondins, rusé, exalté, fanatique et sanglant avec la Commune, colère avec Danton, éloquent avec Vergniaud, sublime avec la Reine, résigné avec Madame Élisabeth, cynique avec leur bourreau. C'est lui qui joue au naturel tous ses rôles, et l'on se demande comment il a pu résister à la fatigue de tant de créations si complexes et si douloureuses. Il va plus loin. Il descend dans l'âme de ses héros, la fait parler et nous rapporte ce langage. Il devine les pensées les plus secrètes. On croirait vraiment qu'il a été le compagnon de prison de tous les infortunés dont il nous raconte l'histoire, qu'il lui a été donné d'assister de près à toutes les heures de leur angoisse, et de sténographier en quelque sorte les paroles que ces malheureux prononçaient à voix basse, ou ne prononçaient point du tout. Les monologues ne coûtent rien à monsieur de Lamartine. Il vous dira qu'à tel moment le roi devait penser à telle chose, et entrera dans le détail de cette pensée probable. C'est puissamment animé, c'est extraordinairement attachant, c'est vivant. Mais est-ce bien là de l'histoire? Nous ne le pensons pas. Les Girondins sont un roman historique. C'est le plus historique de tous les romans, je le veux bien, mais ce n'est pas une histoire dans la vraie force de ce terme. Sachez qu'un historien véritable digne de ce nom devrait, à bien prendre les choses, annoter chaque phrase, j'allais dire chaque mot de son livre. Sachez que son devoir strict serait de signaler lucidement à ses lecteurs la source où il a puisé le moindre de ses moindres faits. Or, il convient que tout s'appuie sur le témoignage de témoins oculaires, de témoins sûrs et autant que possible nombreux. Il nous faut des documents irrécusables, des pièces d'archives dont l'authenticité soit mathématique, des preuves dont le tribunal le plus sévère se montre rigoureusement satisfait. Une suite de faits bien prouvés, voilà brutalement ce que doit être l'histoire. Les Girondins ne satisfont pas à ce programme. À tout instant, l'auteur des Méditations s'y livre à des hypothèses fort touchantes, sans doute, mais qui enfin n'ont rien de concluant. Il jette 1000 perles sur l'austère tissu de l'histoire. Ce sont des ornements, des embellissements inattendus, des accessoires délicieux, des tableaux de genre, des paysages qui nous induisent à pleurer ou qui nous ravissent jusqu'au fond de l'âme. Mais ne cherchez point de notes au bas des pages. Tout cela ne se pourrait prouver et est sorti en grande partie de l'imagination du poète et non pas du portefeuille de l'historien. Rien n'est plus dangereux qu'une telle façon d'écrire l'histoire, car enfin M. de Lamartine, avec l'œil perçant de son génie, voyait juste le plus souvent. Mais ses élèves allaient se lancer après lui, sans génie et sans frein, dans l'hypothèse et dans les récits agrémentés. Donnez-leur un fait historique, un petit fait, ils le délayeront en 10 pages qui, au premier abord, paraîtront historiques, elles aussi. Il faut faire la guerre à ce système qui compromet l'intégrité de la vérité et la dignité de la science. Ce n'est pas là toutefois le seul défaut des Girondins. Il en est un autre qui a été remarqué avant nous. Quand M. de Lamartine mit la main à la plume et commença son livre, il avait en politique des idées quelque peu vagues. Était-il républicain? Peut-être. Allait-il jusqu'à désirer avec ses héros je ne sais quelle fédération périlleuse et contraire au génie de la nation? On pouvait le craindre. Était-il jacobin? On ne saurait l'affirmer, bien qu'il ait peint certains jacobins avec des couleurs agréables. Avait-il étudié solidement tous les systèmes démocratiques qui se trouvaient en présence dans cet effroyable tohu-bohu de la révolution victorieuse? Il est permis d'en douter. Ce qu'il y a de certain, c'est que dans les 8 volumes des Girondins, toutes les opinions sont tour à tour accueillies avec un sourire presque approbateur, et que l'historien ne se détermine bien nettement en faveur d'aucune. En vérité, le poète se révèle à chaque page. Le poète, être mobile, qui se passionne successivement pour toutes les couleurs, pour toutes les physionomies, pour tous les paysages, pour tous les héros même factices, pour toutes les vertus même fausses. Monsieur de Lamartine raconte-t-il la mort de Louis XVI? Il inonde ses lecteurs de larmes presque légitimistes. Raconte-t-il la mort des Girondins, qui avait été en partie régicide? C'est une nouvelle effusion de pleurs aussi chauds et aussi sincères. Oui, certainement aussi sincères. Le poète est ainsi fait. Il ne peut assister à une douleur sans être ému, et ne se demande pas si cette douleur est une expiation sublime ou un châtiment mérité. Mais en histoire, il serait peut-être bon d'être historien et non pas poète. Bref, ce qui a manqué à M. de Lamartine, c'est le sens de l'indignation. Et c'est aussi une conviction raisonnée, forte, inébranlable. Il a justement encouru, au point de vue politique, le reproche que nous lui adressions tout à l'heure au point de vue religieux. Il n'avait point voulu être nettement catholique. Il avait choisi je ne sais quelle religion nuageuse et plus qu'à moitié naturaliste. Il ne voulut pas davantage se décider en matière de république. Les Girondins ont amené en partie la révolution de 1848. Mais était-ce bien là le but que s'était proposé l'auteur et a-t-il été satisfait de son œuvre ?